Alors je me présente, je m'appelle Manu, quoi où j'habite? Tu vas m'inviter, alors je vais bien présenter. Mais j'ai pas trop les curieux, je fais où je veux. Et ça même quand ils ne le sachent, dans mon chez moi on est deux et on est pas toujours très sage. Alors tant pis qu'on vaut locataire, ça verra toute la vie en l'air, je ferai prendre un. Je propose toutes les fortes notes, je note les actes sur l'échelle du vécu. Notamment celle qui l'a déjà vu dans son monde qui marche à l'envers, l'encourageant à la colère. Sans qu'il sache que c'est son souhait le plus cher. Alors il me repousse, moi qui suis son frère d'armes. Moi qui lui ai donné les plus belles de ses armes. Il remet à plus tard la raison, mais la repère le soir. C'est là que je passe à l'action au plus tard, car à l'instant où à l'instant de sa voix sa tête est atteinte. Moi j'entre, j'aperçois l'endroit pour une meilleure atteinte. Des flics, des pétards, mon son cerveau, mais trop tard. Car il entend ma voix et déjà, il sait que je suis dans son moi. À l'intérieur je dessine les traits du mal, que je fais apparaître en contraste avec certains de mal. Il prend conscience de son entrée aux pulsions les plus sales. Dès qu'il quitte d'habitude pour vivre un faux idéal, la haine le vise qu'il fait au fond normal. Car c'est à la peine qu'il doit le vivre de lui-même et mène un double jeu. Plus souvent consciemment, se cachant qu'au fond, je lui souffle ce mot qu'il aime tant. Des mélodies de temps en temps, tant bien que mal. Sans jamais malmener, toujours tâcher d'inspirer. Ce n'est pas tout, je suis l'autre côté de la balance. Celle qui nous donne cette force dans son dos et qui l'est brûlé. Aime et restera la romance. Je suis irresponsable, irrationnel, mais libre. Même réel, libre. À deux on est plus fort, prouve que je n'ai pas tort, écris le chalet, vas-y essaie. Jean petit frère chalet pourra t'aider mais fais un effort, essaie de tout expulser. À deux on est plus fort, prouve que je n'ai pas tort, écris le chalet, vas-y essaie. Jean petit frère chalet pourra t'aider mais fais un effort, essaie de tout expulser. À deux on est plus fort, prouve que je n'ai pas tort, écris le chalet, vas-y essaie. Jean petit frère chalet pourra t'aider mais fais un effort, essaie de tout expulser. À deux on est plus fort, prouve que je n'ai pas tort, écris le chalet, vas-y essaie. Jean petit frère chalet pourra t'aider mais fais un effort, essaie de tout expulser. À deux on est plus fort, prouve que je n'ai pas tort, écris le chalet, vas-y essaie. Jean petit frère chalet pourra t'aider mais fais un effort, essaie de tout expulser. À deux on est plus fort, prouve que je n'ai pas tort, écris le chalet, vas-y essaie. si j'en ai trop dit, je laisse la parole à mon frère. Ça sera plus beau ce qu'il dit, alors je le laisse faire. Mais si tu aimes, si tu souris, dis-lui, car un jour peut-être de moi il sera fier.